bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Ce que le Christ a vraiment dit ». Je vais amener un ouvrage de référence, c'est utile. Ça s'appelle le Nouveau Testament. Je voulais regarder là-dedans quelques extraits que je me suis préparé. Oui, dans l'Évangile de Paul. Oui, dans l'Évangile de Paul, un bout, mais pas publié celle-là. Celle de Luc, surtout, que j'ai pris, parce qu'elle est écrite plus foncée que celle de Paul. Il y a plusieurs paroles qui ont été dites, puis ça a été interprété de 56 façons, ça veut dire même plus que ça. Autant qu'il y a d'individus pour interpréter ce qui a été dit, autant qu'il y a de versions. Évidemment, il y a aussi le fait que le livre a été traduit, parce que le Nazaréen parlait en... Il parlait pas en hébreu, il parlait pas en romain, il parlait en araméen surtout. Alors nécessairement, déjà là, on est souvent très loin de ce qu'il a dit. Jusqu'où on peut penser que ce qui est écrit a vraiment été dit? Bon, premièrement, la Bible, c'est un livre qui ne devrait jamais être lu. Bon, je ne sais pas ça pour toi, là. Mais la Bible, c'est un livre qu'on ne lit pas. La Bible, c'est un livre qui, comme plusieurs livres à caractéristiques sacrées, donc la Bhagavad Gita, le Coran, le Talmud, ces choses-là, ou encore, comme certains livres ésotériques, comme la suite de livres d'Alice Bailey ou la Cosmogonie du Rancio, ou d'autres livres du même genre, sont des livres qu'on ne lit pas. Ce sont des livres qu'on achète, qu'on place dans sa bibliothèque, puis après ça, eh bien, on regrette d'avoir payé si cher. Pour tenir les autres livres? Non, ouais, pour tenir les autres livres, ça dépend des livres, effectivement. C'est un livre qui a comme fonction de descendre de l'énergie, de la placer dans la matière. Et c'est un livre que, si la Bible, entre autres, comme les autres livres d'ailleurs, si on lit la Bible, on ne peut pas lire la Bible en pensant apprendre des choses. On ne peut pas lire la Bible en pensant comprendre des choses. On ne peut lire la Bible quand se voyant confirmer des choses. C'est un révélateur plus que... Non, c'est un confirmateur. Confirmateur. Ouais. Alors, quelqu'un qui lit la Bible, il va lire, par exemple, une parabole du Nazaréen, et puis il va dire, « Ah, c'est ça qu'il veut dire, c'est au bout. » 2 ans après, il relit la même parabole, puis il dit, « Ah, là, je viens de comprendre. » Puis 20 ans après, il la relit encore, puis il dit, « C'est ça qu'il voulait dire. » La majorité des écritures de la Bible sont là uniquement pour te confirmer ce que tu penses, ou ce que tu penses savoir, ou ce que tu sais. Mais les écritures de la Bible ne sont pas là pour te dire quoi faire. Alors, quand une personne prend la Bible, ou prend, par exemple, les enseignements du Nazaréen, mais toute la Bible au complet, d'ailleurs, c'est la même chose, comme tous les livres de caractéristiques sacrées, quelqu'un qui prend la Bible ou qui prend un de ces livres-là, puis qui essaie d'en ressortir la loi, d'en ressortir le jus pour essayer de diriger sa vie, c'est un être humain mort. Bon, il marche, il fonctionne avec la lettre, il ne fonctionne pas avec le cœur, avec le cœur de la lettre, avec le cœur de l'écriture. L'individu qui prend la Bible et qui se dit, bon, ben regarde, c'est écrit dans la Bible, donc on ne peut pas faire telle ou telle chose. Non, là, on relate, c'est une narration d'un événement historique. Et nécessairement, à cette époque-là, il y a des choses qui étaient interdites qui aujourd'hui sont totalement permises. En plus, la loi, elle est là uniquement pour les animaux. Il n'y a pas de loi qui est placée là pour l'intelligence. Bon, alors c'est un peu comme si les individus dans nos sociétés, il y a une certaine quantité d'individus très limités qui arrêtent à un feu rouge parce que c'est intelligent. La majorité arrête à un feu rouge parce que c'est la loi. Bon. Quand l'être humain parvient à transcender la loi, ça veut dire que l'être humain parvient à conscientiser la mécanique qui sous-tendait la loi, mais cette personne-là n'a plus besoin de la loi. Mais quand on dit ça aux individus qui ne sont pas encore au-delà de la loi, ces personnes-là nous disent, « Ah oui, parce que le monsieur vient de conscientiser, là, il peut faire ce qu'il veut. » Lui, cette personne-là, elle a besoin de la loi. Parce qu'elle, elle ne se désinhibera pas dans la conscientisation face à la loi, mais elle va se libérer face à la loi. Et là, il y aura un problème. Elle abuserait parce que... Oui, moi, il n'y a aucune loi qui m'empêche de tuer. Bon, il n'y a aucune loi qui m'empêche de voler. Il n'y a aucune loi qui m'empêche de brûler un feu rouge. Il n'y a aucune loi qui m'empêche rien. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas intelligent de tuer, je ne tue pas. Ce n'est pas une loi. C'est une évidence. Si ce n'est pas intelligent de voler, je ne vole pas. Ce n'est pas à cause de la loi. C'est une évidence. Quand la loi décide qu'on peut, par exemple, tuer quelqu'un qui vient voler chez nous, on le tue et on se dit, j'avais le droit. La loi, elle est là pour ceux qui n'ont pas l'intelligence. Alors que ceux qui ont l'intelligence vont vivre comme s'ils respectaient la loi, mais ils n'ont pas besoin de la loi. Si on absout la loi, si on élimine complètement la loi, la société d'être humain intelligent ne change pas. Tu peux aller vivre dans une tribu où le meurtre est permis, puis ça fera pas des tueurs pour autant de ceux qui sont intelligents. Exactement. Celui qui ne tue pas parce que c'est pas intelligent de tuer, si tu l'envoies dans un pays où on permet le meurtre, il ne tuera pas plus. Il n'y a pas besoin d'une loi pour l'empêcher parce qu'il n'est pas conçu, il ne le fera pas. Alors, quand on prend la Bible et puis qu'on essaie d'en ressortir justement des lois, quels que soient les livres sacrés d'ailleurs, on en sort les lois ou on en sort des philosophies de vie, des philosophies de vie, on en sort des cheminements éducatifs, on en sort des cheminements moraux, on ne se sert pas du livre, on ne se sert pas de l'écriture ou de l'énergie cristallisée dans l'écriture de la bonne façon. Alors, quand on ne comprend pas certaines choses, la meilleure façon de lire la Bible, comme les autres livres que j'ai nommés, puis il y en a quand même une peste d'autres, c'est d'ouvrir le livre n'importe où, puis de regarder n'importe où, puis de lire ce qui est là. Probablement qu'on va avoir la réponse à notre question. Pourquoi? Parce que ces écritures-là sont là uniquement comme des tarots, sont là uniquement comme des phénomènes mansiques. Ça te permet, ça sert de support matériel pour te permettre de te brancher quelque part chez toi, dans le monde astral, ou dans l'un des cieux, disons, le plan supramental, et ça te permet d'avoir subitement une réponse à une question. C'est un peu comme la personne qui tire dans le thé, par exemple. Alors, elle brasse un peu son thé, puis elle regarde ce qu'il y a dedans, puis elle se dit, ah, il y aura ceci, il y aura cela. Mais il n'y a rien d'écrit là-dedans. Hein, c'est du thé. Bon. Sauf que ça sert de support. Quand on regarde ce qui est écrit dans la Bible, c'est la même chose. Il n'y a rien d'écrit là-dedans. Mais la personne aurait pu le dire, elle aurait pu le trouver quand même, cette information-là, sans servir de thé, elle aurait pu prendre n'importe quel autre véhicule. Elle peut prendre des osselets, elle peut prendre de ce doigt, elle peut regarder si son chat rentre ou s'en va, elle peut regarder n'importe quoi. Sauf que l'individu va faire plus confiance, l'ego de l'individu va faire plus confiance à des livres qui viennent du passé, parce que les livres qui viennent du passé relatent l'histoire qui constitue l'astral, qui s'est réincarné dans l'individu, donc dans l'ego. Alors lui va se dire, je vais prendre un livre qui date de longtemps, un livre saint par exemple, un livre sacré, et puis je vais regarder là-dedans, puis je vais avoir mes informations. Quelqu'un qui commence à lire la Bible d'un bord à l'autre, là, à moins qu'il soit historien, puis qu'il veuille avoir une idée un peu de ce qui s'est passé, il perd un peu son temps. Alors nécessairement, tout ce qui a été dit du Nazaréen, tout ce qui a été dit de ces choses-là, c'est... ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que l'humain a retenu le plus du Christ? C'est la crucifixion. Et la résurrection, les deux. Ben oui, mais encore plus la crucifixion. Quand on rentre dans une église, est-ce qu'on voit un corps qui se promène et qui est vivant? Non, on ne voit pas le corps de l'humain. Non, mais même statue. Ouais. Non, on le voit accroché sur une croix en train de saigner. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur, je le dis souvent. Bon, on le voit sur une croix. Pourquoi on a retenu uniquement le gars qui meurt? Est-ce que parce que ça soulageait un peu? Parce qu'on n'a pas compris ce qu'il disait. Est-ce que ça l'a soulagé d'une certaine façon l'astral de l'époque, justement, qui meurt? Ben évidemment, ça l'a soulagé l'humain, parce que l'humain aurait été obligé de changer trop radicalement toute sa façon de voir les choses. Supporter l'énergie christique, supporter le Christ, c'était... C'est pour ça que les Juifs l'ont tué. C'était pesant. Oui. Le peuple le plus puissant énergétiquement de l'époque, le peuple juif, il a nécessairement éliminé Jésus-Christ, qui était juif lui aussi. Tout ce qu'il a dit n'est pas appliqué. Ça n'a pas été compris non plus. Parce que les personnes sont toujours en train d'ajuster ce qu'ils veulent. Ben, c'est normal, les livres servent à ça, les livres sacrés, à ajuster ce qui est écrit en fonction de ce que tu veux entendre. C'est ce qui engendre la croyance et la foi aveugle. Il y a une partie qui est la prière, la partie de la prière que je trouvais intéressante, dans le sens qu'on a appris 56 sortes encore de prières, puis il y en a juste une qui est dans la Bible. Et après, compter jusqu'à 56. 56, ben, ça, je dois être né là, 56. Ah, oui. Je ne suis pas capable de me souvenir de d'autres endroits dans la Bible ou de d'autres prières que celle que le Notre Père qui est là-dedans. Puis j'aurais aimé ça que tu décortiques un petit peu. Je pensais que c'est ça que j'avais, je ne sais pas. C'est pas grave, je connais par cœur. Pourquoi le Notre Père? Pourquoi le Notre Père était pour le Christ plus important que les autres? Le ou problème. La seule, finalement, les autres, ils n'en parlent pas. Ils ne parlent pas de d'autres. Non, prières. C'est ça. C'est que le Nazaréen peut arriver, puis bon, premièrement, une prière, ça sert à relier l'humain, à relier son âme à sa source créatrice, donc au monde de la mort. Ce qu'on appelle le ciel. Alors, nécessairement, la prière, c'est un canal qui permet de nourrir un égrégore, qui permet de nourrir un dieu mineur, un dieu créé souvent par l'homme à l'image et la ressemblance de l'homme. Et les prières de l'époque étaient des prières qui servaient soit à prouver aux individus que tu étais un fervent adorateur d'une divinité, soit que ça servait simplement à toujours quémander. Comme d'ailleurs, la majorité des prières aujourd'hui sont encore des prières de quémandage, où on remercie. Alors, c'est évident, Charles, je te remercie de me prêter ton auto. Bon, ben, que là, tu peux même dire non, t'es pas mal fait, là, c'est une forme de chantage, quasiment, de... Sinon, c'est pas une forme de chantage, la majorité des prières sont chantées. C'est pas des prières, c'est des chanteurs. C'est ça, c'est des chanteurs. Alors, les prières de l'époque étaient des prières qui s'adressaient à des divinités, à des égrégores particuliers. Ce qu'il faut pour comprendre pourquoi le Nazaréen a amené l'idée du Notre Père, il faudrait que j'explique des petites choses avant. Premièrement, le Nazaréen, pourquoi je l'appelle le Nazaréen? C'est parce que c'est de cette façon-là que lui se faisait appeler par ses amis. Jésus, c'est le nom de l'enfant. Le Christ, c'est l'énergie supramentale qui descend et qui vient à un moment donné entrer en contact avec Jésus. Il avait 2 ou 3 ans à l'époque quand ça a commencé. Progressivement, il y a une petite lutte qui va s'installer entre Jésus et l'énergie christique, l'énergie supramentale. On parle d'effusion michaélienne. Alors, il y a une petite friction. Jésus ne veut pas donner sa vie, donner son corps à une entité supramentale, disons divine, qui vit à l'intérieur de lui et qui devra s'en servir pendant un bout de temps. Vers l'âge de 8, 9, 10 ans, finalement, Jésus finit par accepter en échange d'un double éthérique. Fait que je saute des petites étapes. Et finalement, vers l'âge de 18, 20, 21, 22, 23, Jésus finit, après avoir voyagé en Égypte, après avoir voyagé un peu partout, il finit par accepter l'idée qu'il n'aura, de toute façon, il n'aura pas le même choix, mais par accepter l'idée qu'il devra effectivement recevoir de l'énergie supramentale chez lui. Recevant son énergie supramentale, il devient christifié. Jésus devient Jésus-Christ et on aura donc Jésus-Christ. Dans certaines formes d'expression de la religion, on parlera du Christ. On parle donc de l'intelligence ou du phénomène énergétique qui est descendu. Et quand on veut parler de l'humain, on parlera de Jésus. Maintenant, Jésus est né d'un père et d'une mère. Enfin, on va dire d'une mère qui avait un mari. Et puis, son mari, et mari d'ailleurs, faisait partie d'une secte. Eh oui, hein, on a horreur des sectes aujourd'hui, mais Jésus faisait partie d'une secte, puis ses parents étaient d'une secte. La secte s'appelait la secte des Nazaréens. Alors, la secte des Nazaréens était une secte alliée des Nazarites, alliée des gentils, et c'était une secte d'obédience essénienne, reliée aux Esséniens. Il y avait les thérapeutes en Grèce qui faisaient partie de la même secte. Alors, la seule secte essénienne qui acceptait la femme, dans le seul but de procréer, parce qu'à l'époque, la femme n'a toujours pas d'âme, alors c'était la secte nazaréenne, donc nécessairement, il ne peut pas naître d'une secte où il y avait juste des hommes. Alors, il est venu au monde dans une secte nazaréenne, et les personnes l'ont connu comme étant le nazaréen, comme souvent parlé souvent des hommes en blanc, des esséniens. Alors, le Nazaréen s'est donc promené un peu partout, et à ses amis, puis un peu partout où il allait, il était connu sous le nom du Nazaréen. Bon, 301 années après sa disparition, on va baptiser un village, pas tout à fait dans la région où il a vécu, et on va l'appeler le village de Nazareth, parce qu'on va essayer, à travers les évangiles, à travers les écrits qui vont suivre, de d'éliminer le caractère essénien du Nazaréen, et le caractère nécessairement donc nazaréenne du Nazaréen. On a créé une ville pour... On a baptisé un petit village qui était totalement détruit, qui fait vraiment, c'est quasiment un petit hameau. On l'a baptisé Nazareth. Et là, on a dit, on l'appelait le Nazaréen parce qu'il venait de Nazareth. Mais comprenons ceci. Si la secte essénienne à l'époque est la secte la plus vénérée, c'est la seule organisation, probablement à travers le monde, à travers les temps, qui était reconnu comme étant, par exemple, comme ceci, la parole d'essénien est un contrat signé. Alors, n'importe qui à l'époque, il y avait des créanciers, il y avait des prêteurs, il y avait des monde qui faisaient des transactions. Si un essénien venait chez quelqu'un et disait, écoute, je te prends ta mule, puis ce que tu as là, puis je te paye dans un mois, ben, il n'y avait aucun contrat. C'est un essénien, il te dit ça, c'est dur, c'est dans l'acier, il n'y a aucun problème, il va payer. Alors, on parlait de l'Esséniens. On parlait de... Les Esséniens étaient surtout en Égypte, mais il y en avait quelques-uns, évidemment, en Judée. Et quand on parlait de l'Esséniens, on nommait le nom en fonction de la secte, parce que les sectes étaient extrêmement vénérées. Si le Nazaréen vient de Nazareth, quelqu'un qui est vénéré, quand on voit le pape arriver, est-ce qu'on dit, tiens, Gaël Romain qui arrive, il vient de Rome, ou encore Gaël le Vaticanais qui arrive, hein? Il arrive du Vatican. Bon, le Vaticanais qui s'en vient. Non. Le Nazaréen, c'est un peu comme le Montréalais. Les gens aimaient Jésus, les gens vénéraient Jésus et les gens l'appelaient le Nazaréen. C'est parce qu'il venait de la secte. Et c'est la secte qu'on vénérait. pas la ville, le village. On l'aurait appelé Jésus, on l'aurait appelé autrement. On l'appelait maître, on l'appelait des choses comme ça, mais c'était le Nazaréen. Jésus-Christ, c'est l'alliance entre le phénomène supramental, le phénomène christique, qui est le premier niveau, le niveau le plus bas du monde que lui appelait les cieux. Il y a trois niveaux là-dedans. Il y a le niveau de l'intelligence, qu'il appelait l'Esprit-Saint. C'est le phénomène supramental. Il y a le niveau de la gratuité, qu'on appelle aussi, que j'appelle l'amour instantané. Et il y a le niveau de l'intentionnalité, qu'on appelait aussi à l'époque le plan divin, ou Dieu. Le Nazaréen, lorsqu'il parle par exemple, on parlera du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On parlera donc du Père, l'intentionnalité, que lui appellera le Père plutôt que Dieu. On parlera du Fils. Lui était capable d'amour instantané, donc d'amour totalement gratuit. Et on parlera d'Esprit Saint, qui est le phénomène supramental. Ce sont les trois paliers en ordre de décroissance. Après, on touche l'homme, le mental, l'astral, sa psychologie, son cœur, va dire le Nazaréen, et on touchera le corps vital, et on touchera le corps physique. Quand on parle de l'astral, on parle nécessairement de l'âme. Alors, quand on... le Nazaréen, premièrement, je l'appelle comme ça parce que c'est le nom qui lui va le mieux. Jésus-Christ, c'est intéressant, puis c'est spiritualisé un petit peu, puis c'est émotivisé. Et lui ne voulait pas qu'on l'adore. Il voulait plutôt que les individus aient foi. Et la foi, dans le langage nazaréen, ce n'est pas une croyance, c'est une ouverture. Quelqu'un qui a la foi en n'importe quoi ne gagne pas. C'est pas la foi en Dieu ou la foi dans le Père. À l'époque du Nazaréen, il faut comprendre ceci. L'égrégore que lui appelait le Père n'existe pas. Qu'est-ce qu'un égrégore? Très rapidement, un égrégore, c'est, on va dire un égrégore, c'est une espèce de grosse cassette vidéo qui est conçue de matière. La matière, c'est les atomes de l'atmosphère, des murs, de la roche, du sol, de la terre, même des humains. Et ça mémorise. La vibration est colorée par les événements. L'égrégore, c'est une grande mémoire qui, premièrement, va créer les âmes, donc c'est ce qui va engendrer à l'intérieur des humains des âmes. L'égrégore, c'est ce qui va manipuler l'humain. Un égrégore national va faire que les personnes vont être extrêmement patriotiques. Un égrégore familial va faire que les personnes vont être extrêmement familiaux. Alors, quand tu frappes quelqu'un de la famille, c'est toute la famille qui s'est fait frapper, ils sont tous insultés à l'heure, ils vont tous se venger. Un égrégore religieux, chaque égrégore porte son nom, Allah, Jéhovah, Mahomet, etc. Chaque égrégore porte son nom. Et il y a donc un paquet d'égrégores comme ça. Lui, ce qu'il se dit simplement, c'est que mon père, ça n'existe pas en tant qu'égrégore à l'époque. On parle du père, on vénère le père. Bon, mais c'est Dieu qu'on vénère au niveau des déités. Alors, il va commencer à parler de son père. Et lorsqu'il va parler du père, il va engendrer un nouvel égrégore. Les personnes qui ont foi en lui ont foi en un humain. Et cet humain-là, lui, dit être en contact avec son père. L'égrégore du père est vide. Donc, le Nazaréen est en contact avec foutrement rien dans le monde astral, donc dans le monde de la mort, ce qui lui permet d'être totalement en contact avec le palier qui va suivre, qui va être le palier supramental. Et nécessairement, le plan de l'amour instantané. Le plan supramental, c'est l'intelligence instantanée. Ça ne dépend pas de mémoire. C'est ce que le Nazaréen va expliquer à ses apôtres quand il va leur dire « Allez et parlez, puis vous saurez quoi dire quand ce sera le temps. » Et faites-vous-en pas, allez-vous-en, allez-y, je gênez-vous pas. L'amour instantané, c'est un autre phénomène qui n'est pas applicable encore sur le plan humain. Et on a par la suite l'intentionnalité, c'est-à-dire ce qui va avoir la capacité d'altérer des mécaniques. L'humain manipulé, l'intentionnalité, c'est ce qui va engendrer des mécaniques manipulatrices. Puis lui, à ce moment-là, il crée un égrégore dans l'astral. Puis il crée un égrégore dans le but de le remplir. Et il va demander aux gens d'avoir foi en lui, c'est-à-dire soyez ouverts envers moi. Et effectivement, Jésus à l'époque, donc le Nazaréen, est le seul être humain qui a une ouverture complète vers d'autres choses que la mémoire expérientielle humaine. Donc, il ne croira pas au Dieu du passé, mais il comprend l'intelligence de la création de ces dieux-là. Il ne croit pas en Moïse, il ne croit pas dans le Dieu de Jacob et d'Isaac. Il croit rien de ça. Et lui-même ne croit même pas à la loi parce qu'il va dire « Je ne suis pas venu ôter la loi. Je suis venu la rendre plus solide ou la parfaire. » Ce qu'il veut dire par là simplement... C'est que l'individu qui se conscientise, ben nécessairement, non, la loi ne peut pas être ôtée. La loi va même être purifiée, elle va même être encore plus pointilleuse. Mais pas parce que c'est une loi, c'est parce que la façon dont il va vivre, pour celui qui ne comprend pas et qui le voit aller, il va dire, pauvre bonhomme, il passe son temps à s'interdire ceci, puis à s'obliger à faire ça. Quand c'est cellularisé, tu t'interdis pas, puis tu t'obliges pas. Bon, c'est un état, c'est une façon d'être. Il fait partie de ta nature. Mais ceux qui le regardent vont dire, hey, il a souffert, puis il a fait ci, puis il a fait ça. Il n'a même pas souffert, même pas sur la croix. Jésus, oui, pas le Nazaréen. Alors, quand, oui... Est-ce que notre Père aussi, c'est plus impersonnel que les autres prières, dans le sens que si tu pries Marie, ben, on peut visualiser une Marie, on peut visualiser des personnages, tandis que bon. Le Père, c'est plus large. Il y a eu des apparitions large, de la Vierge Marie. Les apparitions du Père, même pas eu beaucoup. Voilà. Il y a eu l'intervention de Joseph aussi, l'oratoire ici, l'oratoire Saint-Joseph, avec les guérisons du frère André, hein, du frère de Bessette. Alors, les apparitions du Père, non pas. À part le Père du meuble. Oui, évidemment. Notre Père, c'est qu'il va expliquer aux individus que vous êtes associés à moi. Donc, on est frères et sœurs, si je parle de notre Père. Bon, lui-même, il va dire, là, ou deux ou plus, sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Mais encore ça, qui comprend ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Quand il dit, probablement, il fallait que l'humain soit deux, ou plus. Hein? De toute façon, c'est sûr que se réunir tout seul, c'est pas une grosse réunion. Hein? Là où vous serez réunis, deux ou plus, en mon nom, je serai parmi vous. Si vous parlez en mon nom, je serai parmi vous? Non. Ça, non? Le nom, c'est une vibration qui permet à un centre laryngé, contrôlé par de l'intelligence, de conserver près de lui, près de la matière, une énergie impalpable. Et le nom, le mot, c'est une espèce de véhicule énergétique, un contenant, qui va être capable de ramasser l'énergie puis de la contenir. Puis là, si tu la tiens près de toi ou si tu peux t'en imbiber, cette énergie-là, maintenant, elle va t'appartenir, même si tu ne peux pas encore t'en servir. Quand un Nazaréen rencontre quelqu'un qui est apparemment possédé, qui fait une crise d'hystérie puis qui se promène un peu partout, ben il la regarde aller, il la regarde se rouler, il la regarde baver. À un moment donné, il se met à crier. Hein? Là, il va dire, je vais dire un nom qu'on ne dira pas, il nomme un nom bien vite. Il lâche un nom. Hey! Puis là, la personne, elle arrête net. Puis là, lui dit, il répète le nom encore une fois, il vérifie le nom. La personne ne bouge plus. Puis il commence à dire, tu sors de cet individu-là. Là, il y a une grande résistance. Le nom, c'est quoi? C'est qu'il a attendu. Il a perçu l'entité qui possède l'individu. Quand il l'a perçu suffisamment, ça a une vibration, ça a un mot, ça a un nom. Et là, il sort le nom, il a la clé, il plante net. Quand il va lui ordonner de s'en aller, c'est cette bébête-là qui devra s'en aller. Là, il ne veut pas. Il va répéter encore avec une énergie, avec un verbe. Donc, une énergie, une parole juste et une voix juste. C'est ce qui est le verbe. Et la bébête, elle va devoir s'en aller. Le nom, c'est quelque chose de fantastique, de formidable. Si on parle... Si on parle du mot lui-même, quand un Nazaréen va dire, tout est en train de tomber. Regarde. Dès que le verbe, c'est de l'énergie. Ah, le verbe, c'est puissant, c'est dangereux. Ça, je te dis, il faut qu'on change de micro. Pas d'exemple, là. Donne pas d'exemple. Non, c'est parce qu'on n'a jamais voulu que le Nazaréen parle. C'est une anecdote à moustache. Bon. Le nom, c'est extrêmement important. Puis quand le Nazaréen va commencer à parler du Père, quand le Nazaréen va commencer à nommer le Père, il crée un égrégore, il l'enveloppe complètement, et ça va permettre aux individus qui vont commencer à prier de pouvoir se planter là. Ceux qui se réunissent en son nom, nécessairement, vont se réunir comment? C'est qu'ils vont se réunir au nom de Jésus, mais à l'époque, évidemment, c'était au nom du Nazaréen. Ça, c'est puissant. Ceux qui se réunissent au nom de Jésus vont s'imbiber, disons, de l'enfant. Ceux qui se réunissent au nom du Christ, souvent, ne pourront rien connaître du Christ. On doit prendre l'énergie christique digérée dans l'humain. Donc, on va se réunir au nom de Jésus-Christ, très bon, ou au nom du Nazaréen, ce qui est un petit peu mieux. ceux qui se réunissent en mon nom, il a dit, donc ceux qui vont être capables de se réunir dans la forme que j'aurai laissée, dans mon égrégore, bénéficieront nécessairement de mon énergie. Nécessairement, ce qu'il est lui à l'époque, donc ce qu'il est lui en tant que, disons, que phénomène planétaire, sera nécessairement là. Il n'a pas le choix, parce que le nom contient l'énergie d'un individu, d'une source possessive ou de n'importe quoi. En créant le nom de l'égrégore, en baptisant l'égrégore Père ou en utilisant le mot, le nom nazaréen, tu te reconnectes à la forme ou à l'énergie qui est. Exactement. Donc, nécessairement, c'est là, même si la mécanique christique n'est plus là. Dernièrement, dans un séminaire, j'expliquais justement à une personne, je demandais son nom, et disons, il s'appelle Pierre, puis j'ai dit, tes amis qui t'appellent Bob des fois. Il dit, oh, ben, je veux pas, j'aime pas ça, mais bon. Et quand, si moi, par exemple, je te dis, Pierre, veux-tu me passer ton char? Si tu me dis, oh, j'ai pas le goût, tu sais. C'est... Oh, Bob, ben oui, donc. Là, il est fait à l'os. Pourquoi? Parce que Bob, c'est le diminutif, puis c'est la partie la plus infantile de l'ego. Puis normalement, quand on donne un surnom, c'est une partie qu'on veut dorer, qu'on veut polir, on l'aime. Fait que là, si je dis, Pierre, passe-moi donc tes clés d'automobile, il me dit non. Oh, Bob, ben oui, donc. Là, je ramasse une partie chez lui qui va vouloir automatiquement se nourrir, fait qu'elle va prendre le contrôle, puis là, probablement que Bob va me passer les clés. Elle va demander à Pierre de te passer ses clés. Ah, Pierre, oui, elle va l'obliger à. Le nom, c'est important. Bon, alors si les individus sont réunis, donc en mon nom, dans le nom du Nazaréen, ben nécessairement, lui est là. Maintenant, il faut savoir quoi faire avec lui. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On continue à lire ça. Là. OK. Mais dans le... Avant d'aller plus loin là-dedans, dans sa prière du Notre Père, il explique comment la mécanique d'une prière, oui. Est-ce que ça n'a pas été compris ou à peu près pas? Tu l'as réexpliqué Oui, mais tu dis, trouve Notre Père. Oui. Je vais aller phrase par phrase. OK. Ça commence par Notre Père. Oui, ça c'est Notre Père qui est au Notre, pour la simple raison que, oui, je le connais, Notre, pour la simple raison que les individus de l'époque n'ont pas la capacité, la puissance énergétique pour s'individualiser. Une prière collective nourrit, elle remplit un égrégore, et une prière collective dirigée par un prêtre peut être canalisée et servir sur la planète. Qui va arriver, par exemple, dans le cas d'une guérison, ces choses-là. Mais aujourd'hui, on a peur de guérir. On a peur, l'Église, maintenant, a tellement peur, l'Église. Elle a peur de quoi? Elle a peur de la science. Allez voir un prêtre, il dit, lui, écoutez, je connais quelqu'un qui est possédé, puis j'aimerais ça si on pourrait pas l'exorciser. Il n'y a pas un prêtre qui croit l'exorciste, qui croit la possession. Il n'y en a pas beaucoup, du coup. J'ai vu l'autre fois, il croyait à la possession. Puis il bavait. Je n'étais pas pour lui demander de venir exorciser quelqu'un. Non, effectivement. C'est ça. Il bavait ses affaires vertes, puis il avait la tête qui dormait avec un chemin. Puis il croyait à la possession, mais il n'était pas en état de venir exorciser les cons. Pourquoi les prêtres n'y croient pas? C'est simplement parce que la religion, elle a massacré tout ce qui était scientifique pendant des milliers d'années. Et nécessairement, aujourd'hui, elle n'a plus le choix. La science a passé par-dessus la vision religieuse. Et la religion a peur d'être carrément bannie par la mécanique scientifique, ce qui fait que tant que la médecine ne reconnaît pas le miracle psychologique, disons la guérison psychosomatique, bien la religion n'est pas prête à le reconnaître. Tant que la médecine ne reconnaîtra pas la possession, la religion va faire bien, on fait attention. Et donc, de ce fait, nécessairement, aujourd'hui, on a un problème là-dessus. Notre Père pourrait être collectif, alors que normalement, l'individu devrait prier mon Père pour se relier à cet égrégore-là. Je l'ai trouvé dans Luc, mais c'est pas... Il y en a un autre, je vais aller chercher dans Jean tantôt, mais pas parler tout à fait. Ici, il leur dit, quand vous priez, dites Père. Donc, il dit pas notre donc, Père, voilà, mon Père, donc, mais ça Père. Plus de ça, mais c'est ce qui est plus dit. C'est Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Bon. La sanctification, qu'est-ce que c'est? La sanctification, c'est la cristallisation d'un égrégore. On peut dire, si on veut parler un peu plus directement, la sanctification, c'est la création d'un véhicule énergétique. Que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton nom devienne un véhicule. Que ton règne arrive. Un règne, c'est le couronnement d'un roi. Et que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que ton véhicule, puisse être créé. La sanctification, c'est la création d'un véhicule de lumière. Là, on prend le nom du Père, on veut sanctifier le véhicule, donc en faire un véhicule pas matériel, mais presque matériel, donc un véhicule éthérique. Que ton règne arrive, ça veut simplement dire que on parle de mécanique astrale aussi, c'est que la mécanique astrale fonctionne exactement comme la mécanique humaine, ce qui fait qu'on doit lui communiquer un égrégore astral de l'espoir pour le nourrir. Et c'est pourquoi on dit que ton nom sanctifié, il va se sanctifier tout seul, que ton règne arrive, ça va lentement vouloir descendre dans le contexte planétaire, parce qu'on ne peut pas ordonner présentement un égrégore qui n'est pas constitué. Quand on parle dans les cieux, c'est que ce véhicule éthérique, ce n'est pas constitué dans le monde astral. Le ciel, c'est le monde astral, c'est le monde de la mort. Les cieux, c'est les trois plans qui sont supérieurs au monde astral, donc le plan d'intelligence instantanée, supramental, c'est la même chose, le plan christique, le plan de l'amour instantané, le plan bouddhique ou le plan du fils, c'est la même chose, puis le plan de l'intentionnalité, qu'on appelle aussi le plan du père ou le plan divin, c'est la même chose. Est-ce que lui, quand il dit dans les cieux, c'est parce qu'il veut fusionner ces trois plans-là dans l'humain, dans l'homme, c'est-à-dire l'intentionnalité, l'amour et l'intelligence? Oui, puis en même temps, il veut instruire l'ego que c'est pas dans le ciel que se trouve ton Dieu. C'est plus haut. Ensuite, il dit, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Oui. Bon, il ne demande pas, c'est donne-nous chaque jour ça, notre pain ordre. Quotidien. Maintenant, l'humain le fait en quémande. L'humain le fait en... il espère. Ça, c'est un ordre. Et toute notre part, à part le départ, une partie l'intérieur, c'est un ordre. Et un être humain ne peut prier convenablement que s'il est à la hauteur de la situation, ça veut dire que s'il ordonne. Alors, c'est donne-moi, donne-nous, c'est la même chose. Et ça, c'est un ordre. C'est pas s'il vous plaît, donne-moi. Puis même quand on dit s'il vous plaît, quand on dit s'il vous plaît à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça te plaise ou non, bouge. Hein? Ça veut dire, s'il vous plaît, lève-toi. Ben, s'il vous plaît, ça ne veut rien dire, parce que ah, ben, ça ne me plaît pas, donc je reste là. Hein? Les jeunes, ils restent avec vos professeurs quand ils vont dire s'il vous plaît, vous allez voir. Oui. En punition directe. Dans la prière, dans le Notre Père, ce sont des ordres. Et là, on ordonne, on exige notre pain quotidien. Mais le pain, ce n'est pas l'aliment. Hein? Le pain, ce n'est pas l'aliment. Le pain, même le natarien, va revenir à un moment donné avec l'idée du pain, comme quoi le pain est son corps. Le corps, c'est la matrice matérielle qui était capable de supporter l'intelligence. Donne-nous quotidiennement, mais donne-moi, mais en réalité, encore une fois, c'est que là, c'est un ordre, c'est que je veux du monde astral recevoir immédiatement des structures qui vont me permettre de comprendre et de supporter l'intelligence, l'Esprit Saint. Ce n'est pas la bouffe. Je pensais, moi, que c'était notre pain quotidien, c'est de quoi manger, de quoi vivre, de quoi se nourrir. Non. En plus, on pourrait revenir, on va voir. Lorsque le Nazaréen dit, les oiseaux ne sèment ni ne récoltent, puis pourtant mon père veille sur eux. Alors, bon, l'humain peut se dire, bon, ben, tout aussi, on ne fait plus rien. Mais le pain, savoir quel pain, il faut force en tabarouette pour qu'il apparaisse, le pain. Ce serait uniquement des aliments. Alors, l'humain peut nécessairement même okay. Ensuite, on lui dit, pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Bon, là, on ordonne sur deux plans. Premièrement, on ordonne au monde astral de couper les liens karmiques avec nous-mêmes. Pardonne-nous nos péchés. Parce que le péché, c'est le karma. Et le péché, c'est ce qui engendre la culpabilité chez l'humain. La culpabilité, c'est ce qui fait que l'humain est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi, quand le Nazaréen guérissait quelqu'un, il lui remettait ses péchés, il pardonnait ses péchés, c'est que la personne était tellement ouverte et avait tellement confiance dans le Nazaréen que lorsque lui disait, écoute, tes péchés sont totalement pardonnés, l'autre y croyait. Alors il se pardonnait donc automatiquement, puis immédiatement le corps reprenait la forme qu'il aurait dû avoir génétiquement, donc il se guérissait. C'est-à-dire que si l'individu qui s'était fait pardonner par quelqu'un d'autre ne croyait pas lui-même à son pardon, ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner une partie, mais ça ne serait pas... Imaginez comment c'est idiot. Rencontrez votre mari, votre femme, votre enfant, vos parents, vos voisins, puis demandez-leur de vous pardonner tous vos péchés. Puis, ayez une totale conscience en eux, et vous allez totalement guérir. Mais l'humain ne peut pas. L'humain est tellement jalousable, l'ego. L'humain va dire, voyons, non, je mon voisin ou encore ma femme, même là, ma femme, elle est pas comme... On ne veut pas. Parce que l'ego va automatiquement la mettre sur un piédestal, on ne veut pas. Mais c'est ce qu'on a à faire. Est-ce qu'on a peur aussi que l'autre se serve de ça comme outil pour ensuite être martyrisé? Si l'autre, il va s'en servir, il acceptera même pas de te pardonner, il ne comprendra pas ce que tu lui demandes. Quand le Nazaréen dit, m'a donné à quelqu'un, quand on lui reproche justement de pardonner au nom de Dieu, lui dit, écoutez, c'est du ressort de l'homme que de pardonner à l'homme. Et son père n'a rien à foutre avec ça. Alors il donne un ordre dans l'astral, pardonne-moi mes péchés, désachetis-moi karmiquement. Comme, et là il donne un ordre à son ego, un ordre instructif. Comme je le fais à ceux qui m'ont offensé, alors qu'il n'y a pas un maudit à l'époque qui le fait. C'est rare aujourd'hui. Ça veut dire que si je ne suis pas capable de pardonner à quelqu'un, je ne peux me faire pardonner. Ben, tu ne peux pas te pardonner toi-même. Ce que tu n'aimes pas de quelqu'un, c'est de toute façon un anicroche que tu as chez toi. Donc, tu ne peux pas. Les deux doivent aller de connivence. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire que pour arriver à te désassociatir karmiquement, l'ordre est donné sur les deux plans. Bon, pardonne-moi mes péchés, c'est un ordre. Comme je pardonne, tu instruis ton ego, comme je pardonne aux autres. C'est les premières prémices de positivisme, de motivation. Je suis beau. Ça va jamais marcher. Bon. Je pardonne aux autres. Tu t'instruis. Ça, c'est un ordre, un bi-ordre, un dans le ciel, un dans le corps. Est-ce que ça ressemble, cette phrase-là, un peu dans ce que tu dis comme définition, aimez votre prochain comme vous-même, ou Oui. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu t'aimes pas. Tu peux, de toute façon, aimer son prochain comme soi-même, on n'a pas le choix. Quand tu haïs quelqu'un, c'est parce que tu haïs toi-même, il n'y a rien à faire. Et puis, il y a des parties chez toi que tu haïs, les reconnaissants chez le voisin, nécessairement tu ne l'aimes pas. Si tu t'aimes énormément, puis qu'on ne parle pas d'égocentricité, on parle d'être capable de s'aimer. À la personne qui n'est pas toujours en train de se demander si c'est correct, si elle est bien habillée, puis si elle a les cheveux coupés corrects, puis une personne qui n'a pas peur d'elle-même, là. Si la personne s'aime, elle est bien avec elle réellement, dans n'importe quelle situation, on n'est pas bien avec soi quand il faut qu'on exclue des situations. On est bien avec soi n'importe où, devant n'importe qui. Bon, la personne qui s'aime, nécessairement, elle peut pas faire autrement que d'aimer tout ce qui existe. Puis l'amour, je le répète, celui qui aime, aime tout. La personne qui a une seule chose sur la planète qu'elle n'aime pas, elle n'aime pas. Elle ne sait pas c'est quoi l'amour. Ça devient un amour conditionnel. L'individu qui s'aime réellement, lorsqu'il rencontre le pape, il transpire pas. Tout ça à l'aise. Il va embarquer dans le protocole pour ne pas frustrer personne, mais lui, il est bien à l'aise. Il veut rencontrer son patron ou sa patronne, il est bien à l'aise. Il veut rencontrer n'importe qui, il y a un policier qui l'arrête, il ne transpire pas, il est bien à l'aise. Ça, c'est une personne qui s'aime. Elle ne se sent pas coupable, elle n'a pas peur, elle ne se prend pas inférieure, elle ne se prend pas supérieure, elle est correcte. Celui qui ne s'aime pas ou celle qui ne s'aime pas doit nécessairement être en compétition continuellement avec autrui, avec l'extérieur, dans le but de se repérer. Fait qu'il doit être meilleur, il doit être moins bon, il doit être, etc. Donc, toujours en comparaison, en train de se demander ci puis ça. Je parlais à une personne dernièrement, on est allé acheter quelque chose, et puis... Non, la personne qui est allée chez la coiffeuse, elle déteste ça parce que la coiffeuse, elle demande toujours comment ils aident à faire, je fais de la vie, etc. Puis quand elle aura le bas, elle change de coiffeuse. Mais là quand, le fait qu'elle se mette ce qu'il y avait sur la rive sud, là, il faut qu'elle commence à rentrer à Montréal. Fait que là, elle me dit, ouais, mais si j'arrivais dans un centre de coiffeuse, puis je dirais, là, écoutez, moi, je vais venir ici, je vais venir souvent. À la condition, c'est que je m'assois, qu'on parle du beau temps, ça ne me dérange pas, là, mais vous ne me posez pas une seule maudite question sur ma vie privée. Après ça, la personne elle me dit, ouais, mais alors, on va trouver que je suis sauvage, hein? C'est ça. Passons notre vie à nous adapter en fonction d'autrui. Elle ne s'aime pas suffisamment pour être capable d'être ce qu'elle est, elle. Moi, j'ai dit, c'est drôle, hein? L'autre, là, est têteuse. Hein, la coiffeuse qui fait ça. Toi, tu trouves qu'elle est têteuse, ça ne dérange pas. Bon, ben, qu'elle trouve donc que tu es sauvage, que ça ne te dérange pas, hein? OK, yeah. C'est sûr, l'autre ne sait pas quand elle trouve têteuse. Mais tu sais, il y en a combien qui nous détestent, puis on ne le sait pas, ça ne me dérange pas. Quand on le sait, on est tout fait à l'os. Donc, c'est fort probable pour ça que dans cet exemple-là, après que la coiffeuse, le choc initial serait passé, elle comprendrait que ce serait... Mais la coiffeuse doit s'amuser aussi, elle serait peut-être amusée quelque part. Elle aussi toute bien étonnée de demander comment donner en faire. Exactement, exactement. Mais c'est souvent comme ça. Bon, soyons donc transparent. Ça ne veut rien savoir avant hier, ça en trouve une suite. Les deux se supportent pour rien, finalement. La suite de la prière, elle ne nous induit pas en tentation, ne nous soumet pas à la tentation. OK. Regardez ceci. Premièrement, ça devient un ordre, encore une fois. Ne nous soumet pas à la tentation, on ne parle pas au Père. On parle encore dans les structures astrales. Ne nous soumet pas à la tentation, ça veut dire quoi? Imaginons que ce serait le Dieu, tel que les gens le conçoivent aujourd'hui. Ça veut dire que le Nazaréen dit clairement que ce Dieu-là a une vilaine manie, c'est de soumettre le monde, les forcer à pécher. C'est ce que ça veut dire. On dit, tu veux pas que je pêche, je fais mon beau péché. Oui, parce que t'es manipulable. Ouais. Alors, si tu veux pas que je me drogue, donne-moi pas de drogue, je me droguerai pas. Ton foutu pommier, là, je l'aurais foutu ailleurs, on n'aurait pas eu de problème. Alors, il plante un pommier, puis il dit aux deux personnages qu'il y a là, écoutez, mangez n'importe quoi, là, mais pas ça! Parce qu'il s'est devenu comme moi. Bon, franchement. Et je suis beau. Ça n'a pas d'un grand psychologue. Ouais. Hein, pour organiser une affaire de même, c'était évident tout de suite qu'il irait manger la pomme. Bon. Puis, tant là, il n'aura pas passé quand Adam a mangé la pomme. C'est pour ça qu'il y a une bosse, la pomme dedans. Hein, c'est ouais. Ça de même. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Ne nous soumet pas la tentation, c'est un ordre encore au niveau astral. Ça veut simplement dire, disons, en termes catholiques, ce serait, tu mets 200-300 en avant, puis tu dis simplement, tu sais, fous-moi la paix. Bon. Si tu veux que je sois beau et fin, t'organises, c'est donc pour que je le sois. Un matin, je me lève de mauvaise humeur, mon corps n'a pas dormi. Fait que, fais-moi pas avoir une crevaison. Fais-moi pas manquer l'autobus. C'est bien simple. Aujourd'hui, je vais aller en pleine forme, là, c'est correct. Si tu veux, va-moi être témoin de Jéhovah. Ça va aller, aujourd'hui, là, c'est correct. Une prise d'otage, peut-être, dans mon quartier. Oui, mais tu sais, ouais, une prise d'otage de 5 jours. Mais, bon, ne me soumets pas, parce que c'est toujours, on doit toujours la faire en fonction de soi-même. Ne me soumets pas à la tentation. Puis j'ai rajouté dans l'heure un morceau qui n'a pas été placé parce que ça n'a pas voulu être placé. Le Nazaréen s'est amusé à le dire, mais... Alors donc, ne me soumets pas à la tentation, ça veut simplement dire, écoute, fous-moi un peu, là. Tu sais, je veux maigrir. Alors, on veut maigrir, je veux maigrir, c'est pas le faire. Alors, fournis-moi pas des gâteaux. Tu sais, la voisine qui arrive ou le voisin qui arrive avec un gros cadeau, tu sais, c'est, voilà. Puis après ça, je suis faible. Il est tannant, l'autre en haut. On parle au niveau de nous tous, au niveau du Dieu astral, créé par l'humain. Alors, ne me soumets pas à la tentation, c'est un ordre. C'est pas une demande, encore une fois. C'est que là, si on le reprend du début dans ce que tu dis, c'est que ton nom soit sanctifié, que ton langue vienne, c'est qu'il est allé comme ça, premièrement, il l'a baptisé, il l'a appelé Père. Ouais. Que ton nom soit sanctifié, que ton langue vienne, il est allé dire à OK, tu peux exister en tant qu'agrégore, je te flatte un peu, là, astralement. Donne-moi chaque jour notre pain quotidien, c'est permets-moi de vivre puis de s'en intelligence. Non, permets-moi. Oh, non, mais. Non. Fais en sorte que. Oh, voilà. OK. Donne-moi, j'ajuste la parole. C'est pas le pain matériel. Ouais. Déconnecte-moi de mon karma. Laisse-moi pardonner aux autres. Comme, c'est-à-dire... Déconnecte-moi de mon karma. Déconnecte-moi de mon karma, puis... Fous-moi la paix, je vais pardonner aux autres. Les autres vont me pardonner comme je vais leur pardonner. Mais ça, c'est le karma, pardon, déconnecte-moi de mon karma. Et la conclusion, c'est qu'il en soit, et pas marqué là, par exemple, là. Mais qu'il en soit ainsi, c'est ce que toi tu dis. Oui, on dit Amen, puis le Amen veut dire Amen. Amen veut dire ainsi soit-il, puis je le répète encore une fois, ainsi soit-il, ça reste l'ordre total. Ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Euk. Ça veut dire, j'ai dit. Bon, c'est la même chose. Lorsqu'un être humain fait une prière, il ordonne dans le monde astral, il ordonne dans le ciel, aux anges, aux archanges qui sont astraux, il leur donne aux chérubins yin, aux chérubins yan, il leur donne aux séraphins mineurs, il leur donne aux entités décédées, il leur donne aux égrégores divins, il leur donne aux hiérarchies célestes, il doit ordonner. Ordonner veut dire deux choses, celui qui peut ordonner et celui qui met de l'ordre. Et nécessairement, on l'écoute. Et quand c'est ça, ordonné. Très simple. Toute cette prière-là, c'est un ordre total, complet, que l'humain répète sans arrêt. Sauf que, nécessairement, ce que l'humain doit faire, c'est qu'on répète jamais une prière, on doit la prononcer. J'avoue, c'est une marie pleine d'amour. Ça, ça va pas pour en faux, ça, là. On doit prononcer. Prononcer veut dire que si c'est la 25e mille fois que tu dis la même chose, quand tu le dis, c'est la première fois que tu le dis. Faut pas que tu le répètes par habitude. T'es vivant, t'es là, puis tu le dis. Et là, c'est une poste, là, c'est un ordre. Quand est-ce qu'on dit une prière? Quand on est mal pris? Normalement, l'humain dit une prière, mais c'est encore une prière d'imploration, c'est quand il est mal pris. Fait qu'à ce moment-là, quand t'es mal pris, c'est bien difficile de faire ça sans émotion, c'est-à-dire de donner... C'est un média, parce que de toute façon, t'es tout poigné. Ah ouais, tu dis, je suis poigné, là, je suis dans la rue, je sais plus quoi faire, je vais te demander de l'aide. C'est pas... Quand est-ce qu'on devrait, maintenant, faire l'humain qui fait une colère mentale, c'est ce qui va arriver. Il donne une colère mentale, il ordonne simplement dans le monde astral certaines choses. La personne devrait ordonner des choses. Mais quand est-ce qu'on fait une colère mentale encore là, quand on a mal pris? Normalement, c'est ce qui va arriver. C'est sûr qu'on doit le faire régulièrement. C'est un peu, quand est-ce que tu commences à t'occuper de ta santé, c'est quand tu es malade, mais c'est sûr que c'est pas... C'est typiquement astral, c'est anthropique, mais c'est pas la voie, c'est pas la voie de l'ascension. Puis ceux qui prient de façon régulière et quotidienne ou par habitude, là, oui, mais eux, ils nourrissent l'égrégore, ils en savent pas. Non, eux, ils prient dans le sens « je t'en prie ». Est-ce qu'ils utilisent l'énergie qui est là ou ils en mettent dedans? Ils en mettent, puis c'est tant mieux parce que bien vite, on en aura besoin. C'est ça. Ça fait des milliers d'années qu'on en met de l'énergie là-dedans. C'est d'ailleurs ce que le Nazaréen disait. Tant qu'à pas savoir quoi faire de ton énergie, place le ciel. Bon, là où les voleurs ne pillent point, là où la rouille n'attaque pas, et patati patata, ben c'est ça, tu places l'énergie au ciel. C'est de l'énergie, ça. Il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas de... Non, il n'y a absolument rien. Et nécessairement, à un moment donné, elle va servir. Ça s'en vient. Puis pour qu'on s'en serve, quand on veut le demander, il ne faut pas l'implorer. Il faut la coordonner. C'est un peu comme demander à votre cheval d'avancer. Il n'avancera pas. Faites-le avancer. Puis j'ai fait d'équitation avec des gens qui font le PMC. Puis souvent, c'est la même farce. Ben, c'est la même chose. Les gens sont sur leur cheval la première fois. On leur a montré comment tomber et tout ça. Et puis, c'est ça. Ils demandent à leur cheval. Ben oui, mais je fais 20 fois, je demande, là. Ben, ils donnent des coups de talon. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Puis le cheval, il se demande c'est quel genre de mouche qui est là. Mais j'y demande d'avancer, puis il ne veut pas avancer. Tu ne demandes pas d'avancer. Tu le fais avancer. Puis le cheval va être bien heureux, lui. Il n'y a aucun problème là. Non, mais je ne vais pas lui faire mal. Non, il n'y a pas de problème. Tu vas voir qu'avant de faire mal, tu bûches pas mal. Puis c'est pas long que le cheval, c'est ça. Il sait qu'on lui demande. Il ne fait pas. Il faut qu'on lui redonne. Les mécaniques astrales, c'est la même chose. Puis, le Nazaréen, c'est le premier à dire clairement qu'on doit ordonner à Dieu. Alors que quand moi je le dis aujourd'hui, souvent, ça a l'air hérétique. Puis lui, on l'a crucifié, c'est pas pour rien. T'as pas hérétique, ben. Bon. Ordonner à Dieu, c'est parce que l'humain a une vision très particulière de ce que c'est que la divinité. L'être humain est constitué d'une âme avec un astral, etc. Quelque part, le Nazaréen dit « Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. » Le cœur, c'est là que sont les émotions. C'est l'âme, c'est l'astral. C'est ça qui souille l'homme. Mais ça, c'est évident. Mais, OK, lui, bon, il le dit très clairement. Mais après ça, quand on a sorti les évangiles des évangélistes, nécessairement, on a ajusté un petit peu les choses. C'est pas ce qu'il dit. Mais on voit souvent qu'il devient... il choque pas, là, mais il élève la voix à certaines occasions. S'est arrangé pour qu'il choque pas souvent dans les évangiles. Vous comprenez rien. Si je vous le dis, vos oreilles n'entendent pas, ça rentre pas. C'est facile de dire que ceux qui ont des yeux voient, que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Que ceux qui ont des yeux voient! Puis que ceux qui n'ont pas d'oreilles ne comprendront pas. Mais quand c'est écrit, tu lis... Ouais, c'est là où je les disais plus comme ça. Comme tu veux, j'ai pas de problème. Je les disais plus avec cette voix. Tu n'as pas la foi, donc tu ne seras pas guéri. Un instant. Il y a de l'énergie dans son affaire, là, lui, là. Imaginez, ils sont 3 000 réunis. Puis il parle comme ça, puis tout le monde l'entend. Pas de micro. Pas de micro cassé. Ouais. Il en fallait qu'il aille par là. On a une idée du Nazaréen, d'un personnage placide qui est souriant, hein, qui ramène sa croix et qui s'en va. C'est pas de problème. Non. Il n'aurait pas laissé des traces aussi longues, aussi profondes, ben, s'il avait été si paisible. Il a fallu qu'il crie un peu. Le Baptiste crie, on le sait. Mais on l'a fait crier, le Baptiste, parce qu'on va dire c'est à cause du fait qu'il criait qu'on l'a mis en prison. Il lui a coupé la tête. Ben ça, c'est autre chose. Une histoire de femme. Mais le Nazaréen gueulait aussi fort. Il parlait aussi fort. Il y avait de l'énergie. Puis c'était un être humain en plus qui était extrêmement drôle. Il s'amusait. Ici, on fait référence au fait qu'il était roi. J'ai sorti un bout. Parce que dans certains écrits ou dans certains livres ésotériques, pas comme celui-là, mais comme d'autres, on dit que Jésus était en fait un descendant royal, qui était vraiment le roi des Juifs. Fils de David. Bon. Et puis que Lazare n'était pas pauvre du tout. Et que non. Jésus non plus. Lazare était très riche, puis Jésus était riche. Jésus aussi, et qui n'était pas un fils de charpentier, mais qui était riche. Et puis que tout ça, toute cette organisation-là, finalement, c'était une équipe royale, c'était une lignée royale qui comprenait Marie-Madeleine, etc., plusieurs membres. Bon, ça, c'est un truc intéressant. C'est évident que Jésus est né d'une famille extrêmement riche. Les Nazaréens étaient des sectes organisées, les Esséniens aussi. Le Sphinx de Gizeh appartenait aux Esséniens. Et sans compter, une grande partie des navires phéniciens de l'époque appartenaient aux Esséniens, pour Nazaréens, pour Nazarites. Puis dans la Bible, quand on maudit tout le monde, sauf les gentils, les Nazarites, c'est les autres sectes qui étaient associés aux sectes nazaréennes. Et on ne parle pas de la secte nazaréenne, évidemment, parce que là, le monde, ils vont dire, c'est pas la ville de Nazareth, c'est la secte nazaréenne. On parle des Nazarites, on parle des gentils. Et ça, c'est ceux qui à la fin des temps, sont pas maudits. Parce que nécessairement, quand le Nazaréen parlait, bon, ben, il gardait des arrières. Mais effectivement, la famille était extrêmement riche. Bon, Joseph est mort d'un accident de travail, mais la famille est extrêmement riche. Parce que quand il arrive devant Pilate, Pilate lui demande, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répond, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont dit de moi? » Bon, si d'autres te l'ont dit de moi, ça veut dire que les prêtres ont peur, les prêtres parlent, ils ont entendu parler. Puis lui veut savoir, est-ce que c'est une vibration que tu as? As-tu un savoir inné? Es-tu en contact avec quelque chose? Me reconnais-tu? Oui. Et ce que Jésus essaie de faire avec Pilate, c'est qu'il essaie de l'initier, de le réveiller. Il se rend compte que Pilate, c'est pas un cave. La preuve, Pilate ne tuera pas le Nazaréen. Et, on dit, s'en lave les mains. Pilate, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour laisser entre les mains de Dieu, donc du Père du Nazaréen, la vie du Nazaréen. C'est une vérification expérientielle que Pilate fait. Pilate se dit, il y a un bandit, Barabbas, que tout le monde reconnaît comme étant un bandit, mais on va demander au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas. L'Église va dire, par exemple, bon, Barabbas, on est lavé les mains, puis c'est lui qui l'a livré, etc. Non, c'est le peuple, c'est les Juifs qui l'ont tué. Et c'était prévu, mais en réalité, les Juifs sont totalement manipulés, ce qui fait que nécessairement, c'est pas la faute des Juifs, on peut pas... C'était un roi de lignée royale du point de vue sanguin. C'était un roi au niveau de la richesse, au niveau de la matière. Jésus était riche. Le Baptiste était riche. Hey, pensez-y, une peau de chameau coûte cher. Essayez de vous en acheter une, vous allez voir. Coûte cher en maudit, une peau de chameau. Puis se faire livrer des sauterelles dans le désert, là. Puis du miel. Tu ramasses ça, du miel de sauterelles. Tu vas voir, faut t'en écraser une copule. Bon, mais le Baptiste était riche. Marie-Madeleine était riche. Ça vivait dans des très belles maisons. Puis, quand on parle de la crèche, et Jésus est né dans une crèche, tu iras la voir, la visiter, la crèche, quand tu vas te faire un tour là-bas. Tu rentres dedans, tu visites, il y a plusieurs endroits, il y a des trous, de la place, mettre des chevaux là-dedans en masse. C'est des grottes esséniennes. Puis, tu vas voir que c'était à l'époque, c'est évident, à l'époque, c'était confortable. Parce qu'après que Pilate a ordonné de faire un écriteau, sur lequel il marque « Roi des Juifs », il y en a un qui lui dit, « Bon, t'aurais dû écrire « Je suis roi des Juifs ». Autrement dit, t'aurais dû écrire qu'il se prétendait roi des Juifs. » Puis à ça, Pilate, il répond, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Mm. » C'est-à-dire que lui, il reconnaissait qu'il était absolument, roi des Juifs. Mais il ne voulait pas prendre de décision. Il ne reconnaissait pas nécessairement publiquement. Parce que dans les travaux des Romains, il y en a eu un paquet de géniales. Alors, puis Pilate était très, très grec. Mais est-ce que Jésus était vraiment... Tu as dit qu'il était descendance royale, mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on le crucifiait ou à cause du fait qu'il avait une grande gueule puis qu'il descendait de l'intelligence? À cause du fait qu'il était... Ou les deux. Non, c'est pas tout à fait ça. Jésus était crucifié uniquement à cause du fait qu'il est venu reformer les structures du monde astral, ce qui fait que toute la haine planétaire de l'histoire humaine était contre lui. La seule façon de s'en dégager totalement, c'était effectivement de mourir violemment. À l'époque, les morts violentes, les morts où il y a du sang qui sort, comme encore aujourd'hui, puis les religions qui prônent ça encore aujourd'hui, la religion islamique entre autres, quand une personne meurt violemment, une grande partie de ce qui est le plus bas au niveau de son âme reste dans la matière. Donc ça purge, ça aide l'individu à évoluer. Alors c'est pourquoi Odin, par exemple, qui était un dieu viking, va dire à ses fidèles qu'ils doivent mourir. S'il va venir au banquet d'Odin, puis c'est toujours mourir en se battant. L'islam souvent prône que le fidèle doit mourir sur un champ de bataille en tuant justement des ennemis. Les chrétiens, longtemps, c'était le martyr qui était le plus vénéré parce qu'une personne qui était morte violemment était sainte. La force purgatorielle était quasiment anéantie, elle était plus pure. Le nazaréen devait donc mourir violemment. Les accidents de char n'étaient pas fréquents à l'époque. Et en même temps, il y avait disait... Ben-Hur qui en faisait de temps en temps. Oui, évidemment, il y avait Ben-Hur, mais... Alors, ce qui est arrivé, c'est un petit peu après, mais ce qui est arrivé simplement, c'est qu'en plus, le Nazaréen voulait laisser un véhicule astral pour permettre à son meilleur ami, Lazare, de pouvoir travailler à l'échelle planétaire pour aider l'humain. En nécessairement mourant sur la croix comme ça. Il pouvait s'en aller plus rapidement, ça le dégageait totalement de toutes les effluves humaines de Jésus, et ça permettait à l'humain de rester avec une image particulière qui était prévue par la parole, par dans l'Ancien Testament. Là, il y avait une partie que je voulais garder pour la fin, tu viens d'en parler de Lazare. À la fin, après sa résurrection, il dit à un moment donné, en parlant du disciple, il n'aime pas ses qui. C'est peut-être pas Lazare. Le disciple que Jésus aimait. Et puis, en le voyant, bon, Pierre dit à Jésus, celui-ci, que lui arrivera-t-il après que lui ait décidé qu'il s'en retourne? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Et celui, le disciple que Jésus aimait, est-ce qu'il fait encore référence à Lazare, là? C'est quoi d'abord? Il faut s'entendre, il fait référence à Lazare. Tu dis? Parce que, théoriquement, Lazare a été tué avant. Oui, wow, mais ça aussi, ça fait plaisir à des historiens. Parce que Lazare est mort, Lazare est ressuscité. Lazare n'est pas remort après. En passant, il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est qu'on a à peu près jamais... Non, on a peut-être. Est-ce qu'on a déjà parlé du frère jumeau de Jésus? Non. OK, bon, ben, on n'a pas dû en parler souvent. Parce que Jésus avait un frère jumeau. Et puis ce frère jumeau-là est resté vivant après la crucifixion. Puis ce frère jumeau-là est parti avec Marie, avec ses enfants. Et il s'est en allé jusque aux frontières de l'Inde, de la Birmanie, etc. Puis ils ont vécu à l'Est. À l'Est et à l'Aise ou à l'Est? À l'est et à l'aise. Mais pas à l'est, à l'est. On va dire. Il n'était pas lesté. Il n'était pas délesté. Et puis, Lazare avait aussi des personnages qui lui ressemblaient très énormément. Puis Lazare n'est pas remort après, pas Lazare. OK. Au moment où il se fait crucifier, il dit Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quand il s'est fait crucifier, la première chose qu'il a dit, ça a été. Il devait parler à Jean, mais il était sur sa croix, puis là, il disait... Il méditait. Fait que Jean, il était loin, puis il comprenait pas, fait que là, Jésus a répété. Les gens ne comprenaient pas, là, ils s'est approché un peu, puis là, Jésus a dit... Fait que les gens approchaient un peu plus, ils traversaient une ligne de Romains, tu sais, les Romains l'ont laissé passer, finalement. Puis là, fait que les gens est arrivé à côté de la croix, puis il a dit, qu'est-ce que tu dis? Va-t'en! Pousse-toi. Eh bien, les choses qui n'ont pas été relatées. Sauve les meubles, ça presse. Sur la croix, le Nazaréen a dit des choses qui sont révélatrices. Par exemple, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné? Simplement, c'est que là, c'est Jésus qui se met à crier parce que le Christ vient de sacrer son camp. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, le Christ est encore à l'intérieur de Jésus. Il parvient. Et il indique simplement que l'humain est totalement manipulé. L'humain n'a pas de libre arbitre, absolument pas de libre arbitre. Alors c'est extrêmement clair. Et là, quand il parle au Père, il parle aux égrégores qui ont commencé à créer l'humain là-dedans, ça ne vient pas bûcher sur tous ceux qui ont éliminé finalement l'individu qui t'a créé. Le créateur de l'égrégore. Ben oui. Alors pardonne-leur, donc désassujettis-les karmiquement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui déteste les Juifs? L'humain. L'humain n'a jamais pardonné aux Juifs. Alors le peuple juif est poursuivi à travers le temps, à travers la planète, sans arrêt. On le massacre, on fait des holocaustes, on s'amuse. Oui, puis au niveau astral, par contre, ça semble avoir une certaine forme de... Ben, il y a eu de la guerre, mais de oui, de mais au niveau astral, ils sont riches. Tout est riche. C'était riche à l'époque. Et ils ont toujours eu suffisamment de protection astrale parce que Dieu leur a pardonné. Pas là. À travers ce qu'il dit sur la croix. Puis on est tout fier de dire que le gars à côté il s'est repenti, puis l'autre à côté il ne sait pas, puis je sais pas. Avec la quantité de Romains qui sont convertis sur le moment, là. Ouais, ça en converti un paquet. Quand il est revenu à lui, après, quand il est revenu après la résurrection, là, il a rencontré d'autres personnes, puis il a parlé. À ce moment-là, qui parlait? Là, tu nous les as bien présentés, des personnages un après l'autre. Là. Alors, si le Christ est parti sur la croix, okay. Qui est revenu? Les Grégoires christiques. Quand le Christ... Premièrement, une chose qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a eu la crucifixion, l'énergie christique a décollé. Elle est descendue aux enfers, c'est-à-dire que l'énergie christique a regagné le monde de la mort et pour faire des choses dans le monde de la mort. Et par la suite, l'énergie, le phénomène christique au complet est revenu dans l'endroit où on avait mis le corps du Nazaréen, le corps de Jésus. Il avait besoin d'un corps matériel, pour être capable de cristalliser, de solidifier le corps éthérique, le corps de lumière qu'il avait créé. Alors, il revient dans le tombeau, il va se fusionner au corps matériel, ce qui fait que le corps matériel devient un corps de lumière lui aussi. Alors, il disparaît complètement, simplement, après quelques heures. C'est pourquoi on ne retrouvera pas le corps du Nazaréen dans le tombeau. Et là, il s'en va, il disparaît, il s'en va simplement faire un tour en Amérique. Il vient d'Amérique du Sud, une partie d'un petit bout de temps en Amérique du Nord, et il va rester là quelques temps. 3 jours, 4 jours. Après ça, il retourne, il rencontre les apôtres, il va jaser un petit peu avec eux autres, il revient souvent en Amérique, il va un petit peu aux Indes, il reste longtemps avec ses apôtres. Et finalement, il va rester 12 années avec les apôtres. Et il va continuer à les diriger, puis à les aider. Et à un moment donné, sortir complètement. Là, l'effusion est devenue une fusion globale, ce qui fait que là, on n'en parlera plus du point de vue de l'essence même de son origine. On va en parler du point de vue de l'expérience qu'il a laissée sur le plan planétaire. Donc, on parle toujours de Jésus-Christ au passé. C'est un peu comme quand j'étais jeune, je disais au prêtre à Noël, je disais, à minuit, là, Jésus vient au monde. Il dit oui. 1967, Jésus, là. Je vais le faire en 1967. Parce qu'il y en verrait au monde à chaque année, j'ai posé la question. On n'a pas pu aller plus loin, parce que, apparemment, je n'étais pas brillant, de ça. Mais l'humain parle toujours du Nazaréen en fonction du passé, puis il essaie toujours de ramener l'humain. Ce que l'humain a... Bon, premièrement, le premier évangile a été écrit 90, un peu plus de 90 années après la disparition du Nazaréen, ce qui fait que c'est totalement des évangiles qui ont été remaniés complètement. Les évangélistes n'étaient pas là. Et il y a eu plusieurs évangiles apocryphes qu'on a éliminés. On fait même référence à son séjour dans le désert, alors qu'il se pourrait être seul. Oui, effectivement, il est seul dans le désert, puis son toit en parler, fait que c'est sûr que ça complique un peu les choses. Maintenant, il y a plusieurs phénomènes qui sont... à retenir à travers le message du Nazaréen, premièrement, quand il parle du ciel, il parle toujours de l'endroit d'où proviennent les problèmes humains. Bon, il y a en masse, en relisant l'Évangile, à un moment donné, les individus, les personnes peuvent le voir. Je ne parle pas uniquement de, par exemple, bon, il mange, puis là, les pharisiens viennent le voir, puis lui disent, écoute, je comprends pas comment ça se fait que tu jeûnes pas, tu sais, tu peux pas être pur. C'est là qu'il leur dit, écoutez, c'est pas ce qu'on rentre, c'est qui nous rend impur. C'est ce qui sort de l'homme. Puis finalement, c'est ce qui provient du cœur de l'homme. Le cœur, c'est le siège des émotions qu'on revoit un peu plus loin. Puis l'émotion, c'est l'âme. Alors ça, c'est extrêmement clair. Premièrement, il exprime clairement que l'homme n'a pas de libre arbitre. C'est mal compris. Même sur la croix, il va finir par le dire aussi. Il exprime clairement aussi que l'être humain doit aimer d'une façon totalement instantanée. Et c'est ce qu'il va dire à Barabbas, parce qu'il va lui dire d'aimer ses ennemis comme lui-même. Puis Barabbas ne va pas comprendre non plus. Lorsqu'il parle, le Nazaréen, à chaque fois qu'il a enseigné, et toutes les paraboles qu'il a enseignées, à travers ces paraboles, il a exprimé le fait que les divinités, que Dieu, mais pas son Père. On va faire une nuance immédiate pour comprendre ce que le Nazaréen disait. Lorsqu'il parle de Dieu, il parle toujours de la créature humaine. Et lorsqu'il parle de son Père, il parle d'une créature divine, créée par lui-même, mais une créature divine. Alors, à un moment donné, au départ, il est le Fils de Dieu dans le ciel, plus loin, il est le Fils de Dieu dans les cieux, et finalement, il est « Je suis », il répond. « Je ne suis plus le Fils, je suis ». Alors, il a réussi à se relier à lui-même. D'ailleurs, une religion devrait nous permettre de nous relier, c'est ce que ça veut dire. Et lorsque le Nazaréen parle, à chaque fois qu'il va parler, il exprime bien que ce sont des ordres, et il exprime aussi que les divinités sont totalement assujetties à aider l'humain. Prenons l'exemple de la parabole des deux fils, puis il y en a un finalement qui sac son camp, dépense plus l'argent, le fils prodigue. J'ai jamais compris le mot prodigue, un prodigue c'est un génie. En tout cas, il revient, c'est peut-être pas fait un prodigue, et tout est passé, il est revenu lui autant. Là, il revient à un moment donné, il revient voir son père, puis le père, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il donne son plus beau manteau, il rend l'autre jaloux. Le père, qu'est-ce qu'il fait? Il se nourrit, il fait une grande fête. Le père, c'est Dieu. Dieu vous aime comme ça, c'est ce qu'il dit. Dieu n'aura pas le choix de vous servir et de vous donner tout ce qu'il y a de mieux. Quand l'être humain va revenir consciemment dans la famille, alors que l'autre fils est inconsciemment présent à côté de son père, l'autre y est parti, puis quand on part dans la quête, on trouve toujours ce qu'on allait chercher quand on revient. Et c'est essentiel de partir. Le fils prodigue revient, et là, il est conscient de la valeur de ce qu'il a, puis le père devient son serviteur. C'est Dieu le père dans sa parabole. Là, il dénude celui qui avait tout pour le redonner celui qui est conscient. Celui qui est conscient. On fait une pause, vous avez des questions sur le sujet ou sur n'importe quel sujet, Charles Bonnet.